toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Nous allons parler aujourd'hui de la sixième partie du cinéma comique français en parlant des autres sous-parties, en commençant par les types de comédies qui puissent exister ainsi de ce qui se passe à partir des années 2010. Commençons donc tout de suite par parler de la comédie romantique. Dans les années 2000, le film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain avec Audrey Tautou va rendre cette dernière célèbre dans le monde entier. Puis elle joue dans les films Hors de prix et Ensemble c'est tout. En 2007, Romain Duris interprète le personnage drôle et romantique de Molière dans le film Molière, réalisé par Laurent Tirard, qui obtient 1 million d'entrées au box-office français. Poursuivons notre épopée dans l'histoire de la comédie en parlant de la comédie dramatique. Cédric Clapiche, réalisateur, scénariste et producteur français, réalise en 2002 le film L'Auberge espagnole, comédie sur les déboires d'un jeune français qui part finir ses études à Barcelone. Tourné très rapidement en HD, ce film passe la barre des 3 millions d'entrées. Il réalise ensuite une suite de cette série de films en 2005 intitulée Les poupées russes, qui obtient de nouveau plus de 3 millions d'entrées. L'actrice Cécile de France reçoit successivement le César du meilleur espoir féminin pour le film L'Auberge espagnole, puis le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour, vous l'aurez compris, Les poupées russes. Ces films rendent Romain Duris et Cécile de France célèbres dans le monde entier. Parlons maintenant de ce qui se passe à partir des années 2010. Les films Intouchables, The Artist et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu montrent que la comédie française reste très populaire en France et à l'étranger. En 2010, sort la comédie romantique L'Arnaqueur avec Romain Duris et Vanessa Paradis. Romain Duris obtient le César du meilleur acteur pour ce film qui obtient presque 4 millions d'entrées en France. En 2013, basé sur une bande dessinée française de Christophe Blain, sort le film Quai d'Orsay avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz et Julie Gayet. Ce film a reçu plusieurs récompenses et distinctions, dont celui du César du meilleur acteur dans un second rôle pour Nils Harstrup. Parlons maintenant plus en détail de Jean Dujardin et Omar Sy, qui ont remporté le succès en France et dans le monde. Jean Dujardin et Omar Sy se sont fait connaître par la télévision, l'un dans des sketchs de programmes courts Un gars, une fille, et l'autre au cœur du duo Omar et Fred. Jean Dujardin joue dans les années 2000 et 2010 des personnages à l'aspect distingué dans Ah, si j'étais riche, ou The Artist, ou de séducteur avec une touche de provocation, voire d'arrogance, comme dans OSS 117 Le Caire, Nid d'espion, OSS 117 Rio ne répond plus, ou encore Les Infidèles. Il reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour The Artist en 2011, ce qui lance sa carrière à l'international. Omar Sy, après de nombreux second rôles au cinéma, gagne le César du meilleur acteur en 2012 pour le film Intouchables, dans lequel il partageait l'affiche avec François Cluzet. Intéressons-nous maintenant au retour de Christian Clavier. Les années 2010 voient Christian Clavier dans des films à succès comme Les Profs ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Malgré le succès du deuxième film adapté de l'univers d'Astérix intitulé Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre en 2002, il passe par une courte traversée du désert. On lui reproche aussi son amitié avec le président Nicolas Sarkozy. Ses films sont critiqués, notamment On ne choisit pas sa famille, ce qui l'amène à s'exiler à Londres en 2012. C'est en faisant évoluer son jeu d'acteur qu'il fait face à chaque période creuse. Ainsi, son personnage passe de dragueur dans Les Bronzés font du ski, Les Babas Cool, Le Père Noël est une ordure, où il joue tout de même un travesti peureux et naïf dans les années 90, dans Les Visiteurs et Les Anges Gardiens. Dans les années 2000, son personnage est rusé dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, fourbe et malicieux dans L'Auberge Rouge, cool dans L'Épreuve et inquiet du changement dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Une heure de tranquillité. En 2015, il est le seul acteur français et seul acteur toute nationalité confondue à avoir joué dans 4 films ayant dépassé les 10 millions d'entrées. Intéressons-nous désormais à la comédie familiale. Dans les années 2000 et 2010, la France réalise de certaines comédies familiales. Par exemple, en 2014, sort le film La famille Bélier qui met à l'honneur la chanteuse Louane. Certaines de ces comédies familiales sont basées sur des bandes dessinées européennes comme la série de films Astérix avec Astérix Obélix avec Gérard Depardieu, Benoît Brisefer, Les Taxis Rouges avec Gérard Jugnot, Jean Reno et Thierry Lhermitte, Boule et Bill avec Franck Dubosc, L'Élève du Cobu et Les Vacances de Ducobu avec Elie Semoun, Les Profs avec Christian Clavier et Kev Adams, ou The Prof 2 avec Kev Adams et Didier Bourdon qui remplace Christian Clavier. Sur la piste du Marsupilami avec Jamel Debbouze et Alain Chabat. D'autres sont basés sur des livres pour enfants, comme la série de films Le Petit Nicolas, avec les films Le Petit Nicolas et Les Vacances du Petit Nicolas, avec Kad Merad et Valérie Lemercier. Avant de refermer ce chapitre sur le cinéma comique français, je voulais adresser un petit clin d'œil au film Les Grandes Gueules, sorti en 1965 et réalisé par Robert Enrico, né en 1931 et décédé en 2001, avec Lino Ventura, Bourville ou encore Marie Dubois. Vous vous demandez peut-être pourquoi je souhaitais faire ce petit clin d'œil. Car non seulement ce film est un film de comédie dramatique et d'action, mais le plus important est que ce film a été tourné dans notre belle région Grand Est et en Alsace. En effet, la série du film appartenant à Hector Valentin, joué par Bourville, se situe au lieu-dit La Clairière de Célet, située à 6 km de Gérardmer. Le village du Haut-du-Tau, la commune de Bois-de-Champs, la commune de la Bresse, la rue Charles de Gaulle de Gérardmer, Plainfin, la gare de Saint-Dié-des-Vosges, Vanier, pour la bagarre sur la place de Vanier, Rochesson, ont tous été utilisés comme décor pour ce film. Le film a également eu quelques scènes en Meurthe-et-Moselle, à Bertrichamps, Ciré-sur-Vezouze et Val-et-Châtillon plus précisément. De plus, bien que toute l'action est censée se passer dans les Vosges, les scènes à la série Thérèse, le concurrent de la série d'Hector Valentin, ont été tournées en Alsace. Il me semblait important de faire ce petit clin d'œil afin de souligner que certains des plus grands acteurs français et certaines des plus grandes actrices françaises sont passés par notre région et je pense que cet événement presque exclusif à notre belle région n'est pas à négliger. De plus, si vous venez à Vanier, vous aurez la possibilité, non loin du cinéma, de voir une peinture sur un bâtiment représentant Bourville et Lino Ventura, ainsi qu'un personnage pratiquant le schlitage. Et si vous descendez la rue du cinéma, vous arriverez sur la place de Vanier, où a eu lieu la bagarre à la fin du film. C'est ainsi que se termine cette sixième et dernière partie sur le cinéma comique français. Dans la prochaine émission que vous entendrez la semaine prochaine, nous aborderons le cinéma d'action. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radioguemozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur notre page Facebook Radio Guemozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-Miremont. Nous serions bien entendu ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.